Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Cette semaine, une émission toute spéciale, une émission portant en entier sur le festival J'ai animé 2012 qui a eu lieu à Gatineau la fin de semaine dernière, les 27, 28 et 29 janvier dernier, où j'ai pu me rendre pour y assister pour la quatrième année consécutive. C'est la deuxième année que Puissance Maximale se rend au festival pour faire reportage, entrevue, et j'ai eu la chance de m'entretenir avec les organisateurs du festival, différents acteurs qui permettent à cette convention finalement de prendre vie à chaque année et qui ont fait que cette, encore une fois, cette édition était un grand succès. Et j'ai eu la chance aussi de m'entretenir avec l'invité d'honneur du festival, M. Franck Pithillon, celui qui incarne le seigneur Perceval dans la série Kaamelott, série qu'on peut voir au Québec sur la chaîne Historia et en France sur la chaîne M6, une série culte maintenant pour plusieurs. Et moi, j'ai eu la chance de m'entretenir avec M. Pithillon pendant quelques minutes et j'ai pu lui parler souvent là, pendant le festival. On s'est croisés souvent, on a parlé cinéma ensemble, cinéma québécois. Je lui ai fait quelques suggestions, mais vous entendrez l'entrevue que j'ai réalisée avec lui. Et donc, nous allons commencer immédiatement cette émission spéciale portant sur J'animé 2012 au retour de cette pièce musicale que je vous présente. Et on vous rappelle également que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, où vous pourrez trouver nos émissions, des nouvelles aussi et des petites entrevues comme ça qu'on peut avoir fait aussi hors des émissions. Et vous trouverez aussi quelques suppléments de mes visites à J'animé également sur le site internet. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre page Facebook. Vous écoutez donc Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. This is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Alors bonjour tout le monde, c'est Mickaël, encore à Janimé 2012. On est encore vendredi soir et là je suis avec Philippe de Rouville qui est finalement le chef de la sécurité ici pour vous expliquer un peu. Moi quand je vais dans des conventions, j'aime ça faire des entrevues avec les artisans, les organisateurs des conventions pour savoir un peu ce qu'il y a à faire dans une convention. Et Philippe, on a déjà travaillé ensemble et chef de sécurité, mon chef. D'abord, salut Philippe. Salut Mickaël. Les auditeurs de Puissance Maximale te connaissent déjà comme étant Duke Nukem. C'est toi qui avais fait notre éducatif l'année passée à Janimé. Et on a déjà travaillé ensemble en sécurité, entre autres à Tokiton. J'aimerais qu'on fasse connaître un peu aux auditeurs qu'est-ce que tu as à faire comme chef de la sécurité, entre autres ici à Janimé. Mais dans une convention générale, qu'est-ce que le chef de sécurité doit organiser finalement? Eh bien, dans le fond, le chef de sécurité a besoin d'organiser ce qu'on appelle le weapon check, qui est l'endroit pour vérifier la légalité des armes selon les règles établies par la Convention. On s'occupe également du crowd control, dans le fond, qui s'occupe de s'assurer que les corridors sont toujours libres, qu'il n'y a personne qui fait le fou dans les... Bref, pour s'assurer comme quoi que la Convention est agréable pour tous et chacun, s'assurer comme quoi qu'il n'y a pas de personnes qui font des mouvements déplacés et puis que ça reste sain et... gentil pour tout le monde, disons. Tu parlais d'armes tantôt. Oui. Donc, c'est vrai que pour ceux qui connaissent un peu le cosplay, ceux qui ne le connaissent pas, bien, absolument, ils peuvent faire des personnages avec justement des armes. Mais effectivement, on n'a pas le droit d'amener n'importe quoi dans une convention. Quelles sont un peu les règles entourant les armes justement dans les cosplays? Eh bien, la plupart du temps, les armes qui sont interdites à avoir dans des conventions sont toutes les armes qui sont faites en métal. Donc, on entend par là tout couteau, katana et autres qui pourraient être faites en métal. On encourage énormément la copie en bois. N'importe quelle réplique d'armes à feu, airsoft, clearsoft et autres, ce genre de choses-là. Les règles varient de convention à convention, donc il y a certaines conventions qui sont plus libres que d'autres. Nous, on parle, comme exemple, pour les airsoft, on les accepte sans les chargeurs, sans les projectiles, dans le fond. On prime également sur le comportement, autant sur le comportement que les gens y ont. Donc, bref, quand quelqu'un se présente au weapon check, il est analysé autant sur le comportement qu'il va avoir avec son weapon, s'il a l'air mature et responsable avec son arme. Donc, comme exemple, le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est il y a quelques années, on avait des pôles à drapeau, des gens d'Italie avec des pôles à drapeau, et puis on le refusait à certaines personnes parce qu'ils se promenaient dans le corridor en se promenant à gauche, à droite avec les drapeaux. On a donc décidé de faire un peu plus la police pour savoir justement le comportement. Donc, l'individu est autant jugé que l'arme qu'il porte. Puis on parlait tantôt aussi de sécurité de la foule, finalement. C'est aussi de vérifier aussi les foules pour les files d'attente parce qu'il y en a en convention, entre autres, habituellement, la mascarade, qui est le plus compliqué. Puis on avait vécu quelque chose d'assez difficile l'année passée à Tokuton. Et est-ce que c'est quelque chose que t'aimes... C'est plus difficile. Est-ce que c'est le truc qui est le plus difficile en tant que chef de sécurité? En fait, ce qui est le plus difficile en tant que chef de la sécurité ou en tant que n'importe quel membre du staff, je vais vous dire, c'est les inconvénients de dernière minute. Il arrive souvent qu'il va y avoir des situations qu'on est en train de gérer, puis tout va bien. Puis bien, comme n'importe quel plan, ça prend le bord après la première demi-heure. Donc, on se ramasse toujours avec des situations improbables, des situations qu'on aurait pu gérer, avoir plus d'informations. Ce qui s'est donc passé là, pour... les line-up, quoi que ce soit. On a eu, dans certaines conventions, quelques problèmes à propos des line-up parce qu'il y avait les violons n'étaient pas accordés au niveau de la sécurité, autant au niveau de l'organisation. Donc, ce qui est le plus stressant de toute de l'organisation, c'est justement de réajuster tout en respectant les politiques du bâtiment, respectant l'intégralité de la convention pour s'assurer de déranger le moins possible de personnes qui vont à la convention. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il faut justement aller avec les lois du bâtiment où on est, souvent dans les centres des congrès. Ça peut être assez serré pour ces règlements-là. Chaque personne aussi, ça peut être délicat. Une autre chose qu'il faut rappeler aux gens, c'est que vous êtes bénévole là-dedans. Vous n'êtes pas payé. En tout cas, dans certaines conventions, je sais que dans certaines, tout dépendant du genre de convention, mais habituellement dans celles au Québec, en animation japonaise surtout, la plupart des gens viennent bénévoles. Puis ça peut poser problème aussi pour le recrutement du personnel. En fait... effectivement, c'est toujours bénévole. C'est de longues heures parce qu'habituellement, la sécurité est active 24 heures sur 24, du moins le temps total de la convention. Et si la convention, elle ouvre à 7 heures le matin et se termine à 3 heures le matin, il y a des gens de la sécurité qui sont bénévoles pour faire ces heures-là. Plus que les échelons montent, plus que le sommeil manque. Donc, malheureusement, à la fin de semaine, on est toujours tout exténué. C'est effectivement toujours bénévole. On a toujours le problème parce que la sécurité, c'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire, surtout parce que faut que ce soit quelqu'un qui a énormément d'entre gens, qui soit calme, qui soit autonome et relax. Donc, bref, c'est du monde qu'il faut, que les gens viennent le faire, ils viennent faire la sécurité pour après ça se rendre compte si oui ou non c'est leur tasse de thé. Donc, on se ramasse souvent avec, je dirais, sur un exemple, sur 100 bénévoles, on se ramasse qu'on en perd peut-être 25, 30, 40 % parce que justement, c'est du monde qui ne sont pas adaptés à la situation, qui pensent qu'ils sont capables de faire l'emploi, mais malheureusement, qui ne sont pas capables de le faire. Donc, on se ramasse souvent avec moins de bénévoles en bout de ligne. Donc, il y a plus d'heures à faire, plus de stress. Là, on parle de difficultés d'organisation, beaucoup d'heures, du monde difficile à recruter, des inconvénients sur le terrain, bénévoles. Pourquoi tu continues à faire ça? Je connais un peu la réponse, mais il faut être maniaque un peu. Faut être maniaque, faut en manger, faut aimer ça. Je fais ça autant pour les fans, parce que moi j'adore la job bien faite, puis je sais comme quoi que je fais un excellent job. Ça m'arrache le cœur de voir dans des conventions un travail à moitié fait. Je suis vraiment du genre, dans certaines conventions, que je vais aller jusqu'à me donner de mon temps de participant, de festivalier, pour aller aider les organisations. Donc c'est vraiment, essayer de viser vers l'excellence, même si c'est quasiment pas atteignable. Je veux dire, c'est pas atteignable, surtout vu la nature bénévole de toute l'organisation. Donc, on s'attend toujours à avoir des manques. Je commence toujours une convention avec énormément d'idées que ça va mal aller. Puis, dans la plupart des cas, j'ai fini la convention avec en étant relax puis en m'étant dit, oh, ça a été moins pire que ça pourrait aller. Mais le pire, c'est souvent les grosses conventions. Et comme exemple, ici, j'ai animé, c'est une très petite convention, c'est très convivial, puis pour moi, c'est des vacances. Donc, c'était Philippe Derouville, directeur de la sécurité ici à Janimé 2012 et aussi participant dans les équipes de d'autres organisations de conventions. Je te remercie beaucoup. Ça fait bien plaisir. Et c'était Mickaël Michaud pour Puissance Maximale. Un jour de Pentecôte, un jour d'Ascension, dormant, il est venu dedans notre maison. Il est venu faire l'amour à nos filles. Jamais Normand n'aura ma fille. Juillet fait à dîner, mais pas comme il voulait. Perdri et Béca, ce beau cochon de lait. Des escargots aussi je lui ai fait cuire. Jamais Normand n'aura ma fille. Juillet fait à souper, mais pas comme il voulait. Mon canard à la broche, roi père de poulet, ne trouva pas ça à sa fantaisie. Il demanda de la bouillie. Boissons de farine et 12 seaux de lait. Sur cette fagot, tout ça je lui ai fait cuire. Jamais Normand n'aura ma fille. Il y avait une petite écuelle qui était en 3 morceaux. Elle n'était pas bien grande, elle tenait 2 boisseaux. Oh, par 3 fois je lui ai rempli. Jamais Normand n'aura ma fille. Quand Normand eut bien bu et bien mangé, au bal avec les filles, il a voulu danser. Allez tout doux ma chère amie, car j'ai la panse bien fournie. La fille était friquette, elle a voulu sauter. Normand a fait de même, la panse lui a crevé. Il a crié, Sainte Vierge Marie, je répands tout doux. Bouille. en trouverez en suffisance. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Alors oui, on continue avec notre émission spéciale Puissance Maximale ici à G-Animé 2012. Et là, je suis avec une... On retourne un peu dans les rôles de ceux qui travaillent dans la convention. Et là, je suis avec Emmanuel Hainaut, qui est un quelqu'un qui est vraiment... qui est souvent dans les conventions. Et Emmanuel, toi, là, présentement, qu'est-ce que tu fais là? On est dans la Green Room, donc la salle de préparation de la mascarade. On avait interviewé Anne-Marie l'année dernière, qui était la directrice de la mascarade. Mais là, toi, tu as un rôle spécial. Tu es Ed Dendad. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton rôle, finalement, ici? Moi, je m'occupe de surveiller ceux qui vont surveiller ceux qui vont aller sur scène, donc les participants. Les participants sont regroupés en ce qu'on appelle des den, donc des petits groupes ensemble, puis ils vont par groupe sur scène. De là, les entrées, il y a X entrées dans un den, ils vont aller sur scène, puis ils vont revenir. Le rôle des den parents qu'on appelle, c'est de superviser ces gens-là, surveiller, les rassurer, s'assurer qu'ils vont monter sur scène de façon correcte, donc qu'ils respectent les règlements dans une certaine circonscription. Rendus sur scène, c'est d'autres personnes qui vont s'en occuper. Les den parents vont s'occuper des objets de valeur de leur personne en surveillant leur den, leur endroit. Une fois que les personnes sont revenues, récupèrent leurs effets, ils peuvent sortir. Moi, ce que je vais faire, et moi, donc, je supervise ces personnes-là. Parce que la Green Room, il faut le dire, là, ce qu'on appelle la Green Room, là, où est-ce que les participants de la mascarade viennent, c'est assez fermé. Les jeunes, une fois qu'ils sont inscrits, ils sont dans la Green Room. Habituellement, je pense qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Ils n'ont pas le droit de sortir, effectivement, sauf, par exemple, pour aller aux toilettes ou s'il y a une urgence. La raison est simple, c'est que quand ils rentrent, il y a un processus. Ils vont aller s'inscrire pour être sûr qu'ils sont bien enregistrés. Après ça, ils vont aller parler avec le maître de cérémonie. Ils vont aller parler avec les ninjas qui, eux autres, vont faire des actions ou non sur scène. Après ça, ils vont parler avec les personnes en charge de l'audio. Puis après ça, ils vont venir s'asseoir dans leur den. De là, on va venir. Quand on va les appeler, c'est qu'on sait qu'ils sont arrivés. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'ils restent dans leur den, parce qu'à un moment donné, on va les appeler, puis on va les envoyer voir les juges et on va les envoyer à la photo. Est-ce qu'il y a des photos qui sont prises avant, finalement, parce qu'on veut avoir une représentation du costume avant d'aller sur scène pour peut-être avoir une meilleure vue, parce que des fois, de la scène, ça peut être plus loin. Mais aussi, je pense, pour éviter qu'il y ait des modifications de costume entre l'évaluation puis l'arrivée sur scène. Entre autres, en fait, il y a deux photos qui sont prises. Il y en a une à l'arrivée en enregistrement. Ça, c'est une photo pour les juges. Parce qu'il y a 40 entrées, les juges ne vont pas retenir par cœur à quoi ressemblent tous les costumes. Et l'autre photo dont tu parles, oui, c'est les photos officielles de la mascarade qui sont prises pendant que les participants attendent. Mais là, tu nous parlais tantôt de rassurer les gens. Parce qu'il faut le rappeler, la mascarade, pour certaines personnes, c'est très, très, très sérieux. On peut monter en grade. C'est une compétition, il faut le dire, avec les gens qui sont adeptes du cosplay. Parce que là, il peut y avoir des gens très nerveux. Qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce qui peut arriver? Y a-t-il des choses vraiment graves qui se sont déjà arrivées quand toi, tu étais dans un den? Ou? À ma connaissance, non. Généralement, le monde vont stresser, vont s'énerver un peu, mais généralement, c'est de leur changer les idées. Des fois, les personnes se ramassent un peu les épaules, s'ils veulent, évidemment. Tu sais, des trucs comme ça. Mais je dirais, des affaires vraiment graves, graves, graves, c'est qu'on a déjà un diabétique, il fallait qu'il mange. Elle a une permission spéciale parce qu'on était dans un endroit où il n'y avait pas le droit de manger. Mais sinon, regarde, aujourd'hui, j'ai eu deux personnes qui avaient des maux de ventre. On a trouvé de l'eau chaude. Ils ont eu des compresses d'eau chaude. Ils vont mieux pour l'instant. La vie est belle. C'est ça, c'est des petites complications souvent reliées au stress. Oui. Mais toi, là, c'est ça, là, tu es le Ed Dendan. Donc, c'est toi qui supervises pas mal tous les dens. T'as du monde en tout toi qui vérifie chacun des dens. Oui. Mais toi, avant, t'as été justement Dendad, tout simplement, avec ta gang. Toi, c'est ta sixième année. Tu nous parles, je pense que tu fais ça. T'as été aussi dans des équipes mascarades. Comment, je veux dire... C'est beaucoup de travail quand même, l'organisation de la mascarade. C'est habituellement le gros événement d'une convention. Comment tu vis ça, quoi, préparer ça? Parce que est-ce que l'organisation beaucoup sur place ou il y a beaucoup de réunions avant? Pour la mascarade comme telle, il y a souvent plusieurs réunions avant. C'est plutôt au niveau de la direction avec l'équipe technique. Moi, honnêtement, mon travail souvent, c'est que j'arrive la journée même ou la veille. je regarde où est-ce qu'elle est la green room, comment elle va être placée. Donc, généralement, une heure ou deux avant l'entrée des participants, je regarde avec la juge, pas la juge, la directrice, bon, comment on dispose de la green room, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la green room? Des fois, les photos sont pas prises dans la green room, des fois, elles sont prises dans la photo. Des fois, ils se font juger dans la green room, des fois en dehors. Donc, on regarde tout ça, on regarde comment c'est technique, parce qu'il n'y a pas deux mascarades, que les green rooms sont pareils, évidemment. Comment les participants vont rentrer ou vont sortir, parce que des fois, les participants, ils rentrent puis ils sortent du même bar. Des fois, ils rentrent d'un bar puis ils sortent de l'autre. Donc, c'est de voir tous ces mini-détails-là avec la direction de la mascarade. Par la suite, c'est de donner les directives à tes jeunes parents, parce que justement, ça change. Je suis allé à une mascarade récemment où que j'étais un den parent, j'étais pas un head den dad, et on nous disait d'amener la personne à la table de réparation des costumes. OK, c'est donc, que des fois, c'est ça, le rôle est quand même assez bien défini, mais c'est toujours chaque directeur préfère des fois avoir des rôles différents. Et... C'est ça, des petites subtilités là, qui vont changer, mais en gros, c'est pas mal pareil pour le style de mascarade qu'on connaît. Excellent. Mais on parlait avec Emmanuel Henault, Ed Dead Dad, ici à la mascarade de Jedi Animé 2012, qui nous expliquait son rôle dans cet important événement de convention. Je te remercie beaucoup, Emmanuel, d'avoir participé à l'émission. Je t'en prie, Michael. Merci. Donc, on continue avec Puissance maximale. Berger de Calédonie, mena bête sourue d'orage, dû t'attendre bien à l'abri, que s'enfuient les gros nuages. Guerroyante en forêt froide, faisant feu pour se chauffer, Perceval n'eut que brimade, quand les flèches il fit brûler. Sans crainte par le monde, font frissonner les pucelles, chevalier de la table ronde, et pas du fait à vaisselle. Écoutez les péripéties du juste roi de Bretagne, moi rapide à régler les conflits qu'à trousser les paysages. Léodagan vous dirait, pour éviter le carnage, qu'il serait temps d'installer ses tourelles sur la plage. N'ayant point reçu du roi, c'est vrai, l'adoubement qu'il fallait, Caradoc rentra tout droit à l'auberge pour cuver. Pas en chassant l'anguille, ni en buvant des canons, que vous deviendrez habile et chevalier pour de bon. Auriez-vous l'étonnant récit des chevaliers de Bretagne, plus rapide à vie dès l'heure de mie qu'à retrouver le Saint Graal. Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. Alors bonjour tout le monde, vous êtes à Puissance Maximale, c'est Michael Michaud, votre animateur qui vous parle. Et aujourd'hui, ben, j'ai l'immense honneur de rencontrer finalement un comédien que j'aime beaucoup, d'une série que j'adore, M. Franck Pithiot de Kaamelott, entre autres, mais qui a fait d'autres choses dans sa carrière. Bonjour, M. Pithiot. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Donc, comment vous trouvez le Québec jusqu'à maintenant? Comment vous trouvez Gatineau et le festival J'ai animé? Ben, je découvre un peu ce monde. Le Québec, je ne connaissais pas du tout, mais c'est vrai que je dis que c'est la première fois que je viens ici, mais je découvre ce beau pays sous la neige. Donc, j'ai fait un peu de tourisme parce que je suis arrivé en avance. Donc, je suis arrivé il y a deux jours. Et puis, voilà, et ben là, maintenant, c'est le début du festival. Donc, je vois tous ces jeunes habillés en manga. Mais bon, je ne suis pas surpris parce qu'en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, mon deuxième métier, c'est ingénieur du son. Et donc, j'enregistre, je fais du doublage de manga en France, en version française. Donc, c'est votre première fois au Québec, si je comprends bien. Exactement. Excellent. Donc, on nous avait posé la question aussi, on pose la question aux organisateurs du festival. Pourquoi Franck Pithiot? Mais justement, vous nous le dites, vous êtes technicien de son, vous travaillez sur des doublages, en d'autres, vous avez travaillé sur les séries Black Lagoon et Trinity Blood, exactement, qui sont quand même assez populaires. Vous, finalement, c'est quoi votre travail au niveau du doublage? Vous ne faites pas de direction d'acteur? Vous êtes vraiment que sur la prise de son? Non, alors je fais la prise de son, mais des fois, ça m'arrive de faire la direction d'acteur aussi. Parce que c'est vrai que comme je connais des comédiens, je les aide à... C'est vrai que je regarde un peu la série avant eux et je les aide pour faire la direction d'acteur. Donc, sur CC, vous avez travaillé sur combien? Là, j'en ai nommé deux parce que c'est les deux qui me viennent en tête rapidement. Mais je sais que vous avez travaillé sur d'autres séries. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou vous êtes... Bon, on en a fait une dizaine. Donc, la dernière, c'est Blood Plus. Donc là, on a fait la première saison de Blood Plus et là, on va faire la deuxième saison de Blood Plus. Parce qu'il faut dire que la plupart des gens au Québec vous connaissent principalement à cause de la série Kaamelott, mais vous êtes technicien, vous êtes musicien aussi. Est-ce que c'était un peu votre premier métier qu'être musicien ou vous en êtes venu au jeu après, si je me rappelle bien? Oui, en fait, mon premier métier, c'est musicien, c'est vrai. Et c'est vrai qu'après, en étant musicien, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai fait du théâtre. Donc, on a créé une compagnie qui s'appelait Les Montreurs d'Hommes. C'était du burlesque un peu déjanté. Et en parallèle, j'ai créé mon studio de post-production sur Lyon avec mon associé en 88. Donc, ça fait 24 ans que je fais ce métier de post-production. Parce que c'est votre studio à vous. Vous n'êtes pas à l'emploi d'une autre compagnie. C'est vraiment votre studio à vous. Exactement. Donc, doubleur ou technicien dans un studio, musicien et comédien. Nous en venons à la fameuse série Kaamelott. Tout ça a débuté. En fait, vous en êtes venu au jeu comment? Comment êtes-vous devenu comédien, finalement? Ben, c'est en rencontrant des gens dans un café-théâtre qui m'ont proposé de faire une pièce. Donc, j'ai dit banco et puis je me suis essayé sur scène. Mais en fait, moi, je suis vraiment autodidacte. C'est-à-dire que j'ai fait aucune école de théâtre. Donc, vous y êtes allé par instinct, vous avez décidé d'y participer, puis finalement, vous avez trouvé une vocation. C'est un peu ça. En fait, j'étais un peu habitué à la scène en tant que musicien. Et voilà, mais puis après, je me suis habitué à... Mais j'ai toujours aimé dans ma vie, très jeune, amuser la galerie. Donc, quand j'étais au collège, j'étais quand même un guéluron. Donc, ça aide, il y a des restes. Donc, moins de pudeur un peu, on aime amuser la galerie. Donc, comédie, comment finalement vous êtes passé du théâtre, du burlesque déjanté jusqu'à Kaamelott? Finalement, vous avez rencontré Alexandre Astier. De quelle façon? Est-ce que c'est lui qui vous l'a proposé? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec lui avant la série? Alors Alex, en fait, tous les gens qui le côtoient, en fait, c'est vrai que c'est tous des gens qui ont travaillé avec lui sur des pièces de théâtre. Mais moi, en fait, il avait vu les spectacles des Montreurs d'Hommes. Donc il me connaissait, il m'avait vu sur scène. Et je l'ai rencontré sur un premier court-métrage qu'il avait écrit lui et qui était réalisé par un ami en commun. Donc, on s'est rencontrés comme ça sur un court-métrage. Et c'était juste avant qu'il fasse son court-métrage sur Désiré, qui était la jeunesse de Kaamelott. Donc, il m'a proposé de venir faire un chevalier et c'est tombé sur Perceval. Parce que Perceval, au départ, on voit que dans Désiré, dans le court-métrage, ils sont à peu près tous au même niveau de conneries, si on peut dire. Mais est-ce que l'idée de Perceval, qui est un peu plus pas con, mais qui est un peu plus, comment on dirait au Québec, un peu pas là, qui est un peu absent. Est-ce que c'est arrivé dès le départ? Je sais que dans les pilotes, on le voit entre autres dans un pilote avec Angarade, qui est joué par la comédienne qui joue la Dame du Lac dans la série. Déjà là, on voyait, mais est-ce que c'était déjà dans l'idée d'Alexandre Assis de faire de Perceval un doux, un naïf finalement, qui est comme personnage, ou ça s'est vraiment développé pendant la série? Je pense qu'il voulait, il avait déjà cette idée, je pense. Mais après, c'est vrai qu'Alex, il est créé en fonction des tempéraments de chacun. Donc, comme moi, je lui ai proposé certaines choses, lui aussi, il les a amplifiées. Et c'est devenu un personnage assez lunaire. Les personnages, là, vous parlez d'Alexandre Astier, vous lui faites des suggestions. Est-ce que c'est comme ça que ça se crée un peu, Kaamelott? On sait qu'Alexandre Astier fait beaucoup de choses dans la série. Écrit, s'occupe de la musique, la réalisation aussi. Il joue également le roi Arthur. Est-ce que c'est finalement l'émission d'un seul homme ou il prend beaucoup aussi de ses comédiens au niveau du jeu, mais aussi au niveau des idées? Ben, en fait, il s'inspire. En fait, Alex, il nous dit que pour être... pour jouer, il faut essayer d'être le plus naturel possible. Donc, en essayant d'être nous-mêmes. Donc, forcément, dans Perceval, il y a beaucoup de Franck Pithiot. Et il va observer le tempérament de chacun et il va l'amplifier. Et donc, il s'en sert. Pour lui, c'est vraiment... C'est pour ça qu'il y a un échange constant avec Alex. Donc, j'ai une question que je voulais vous poser, justement, pour le personnage de Perceval. Comment était, finalement, la construction de ce personnage-là? Comment vous l'avez amené? Est-ce que c'est venu petit à petit, j'imagine, au fil du temps, en voyant ce qu'il avait déjà fait dans des épisodes avant? Mais comment vous l'avez construit? Vous dites qu'il y a une grande partie de vous, un peu, dans ce personnage-là. C'est venu comment? Comment vous l'avez amené? Comment on le connaît, finalement, aujourd'hui? Bah, moi, en fait, j'adore faire ce genre de personnages. C'est-à-dire les personnages un peu autistes, lunaires, mais en même temps attachants. Mais en même temps, Alex, il m'a tellement bien servi, parce qu'au niveau du dialogue, c'est des bijoux. Donc, en fait, ça s'est créé tout seul, mais il y a eu l'alchimie. L'alchimie s'est faite. Mais le talent d'Alex aussi fait beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, les dialogues sont géniaux. Et il est entouré de gens. Il a fait un casting qui était super. On a vu le personnage de Perceval se transformer comme avec la série, parce que là, on a vu qu'on avait quand même les trois premiers livres qui étaient quand même assez déjantés, très drôles. Mais là, à partir du quatrième livre, on voit déjà qu'on va vers quelque chose de plus dramatique, ce qui est normal avec un peu toute la geste arthurienne. Comment, finalement, est-ce que vous avez eu, pas un choc, mais comment vous avez réagi face à cette idée d'Alexandre Astier d'aller vers quelque chose de plus noir, un peu de plus dramatique à certains niveaux, parce que c'est pas que ça non plus, on reste quand même dans le trait comique dans la série, mais comment vous avez réagi? Ben, en fait, on lui fait confiance, Alex. C'est vrai que lui, il a voulu, à partir de la saison 4, justement, un peu dramatiser, et puis c'est une autre écriture, donc c'est vrai que c'était voulu, mais on lui fait entièrement confiance, donc on sait très bien que... Même si c'est moins, peut-être moins déjanté, il y aura d'autres choses et il y aura toujours ce côté poétique. On a au Québec, j'ai quand même beaucoup d'amis qui adorent la série, qui ont adoré un peu ce changement-là finalement du trait comique à aussi une dimension dramatique qui est nécessaire vu l'histoire qui est présentée. Mais en France, est-ce que le public, comment a été la réaction du public? Bah, je pense qu'après, il y a toujours des gens qui préféreront les pastilles courtes avec un univers un peu plus déjanté et d'autres qui ont bien apprécié le changement. Donc, chacun y trouve son bonheur, en fait. Je pense que les fans de Kaamelott qu'on avait au début, ils sont toujours restés même jusqu'à la fin, même s'il y a eu des gros changements. On parle de changement, justement, on parlait un peu de l'ambiance Kaamelott, mais aussi le changement de format. Vous avez, parce qu'en France, il y a quand même des formats différents. Ici, au Québec, habituellement, c'est des émissions d'environ une vingtaine de minutes, si on enlève les pauses, ou une heure. Mais en France, il y a quand même des petites, justement, comme vous dites, des petites pastilles de 3 minutes. Là, on est allé vers des sketchs de 7 pour finalement arriver au livre 6 où on a des émissions d'une heure. Est-ce que ça a été est-ce que le travail a beaucoup changé sur les plateaux face à ce changement de format là? Non, pas en fait c'est même quand on faisait les pastilles de 3 minutes, en fait on tournait 10 minutes par jour. Donc là quand on fait après l'écriture, c'est peut-être l'écriture de Adalex qui a changé un petit peu, mais sinon tout est au niveau du tournage, c'est pareil, c'est pas différent. Une question que beaucoup de gens se posent présentement, on a entendu parler évidemment des projets, des films de Kaamelott. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu qu'est-ce qui se passe? On sait un peu qu'Alexandre Astier est en écriture encore. Est-ce qu'il y a des développements? On sait qu'aussi M. Astier a parlé que si le premier film... était pas populaire, qui allait arrêter la série-là, qui ça allait se terminer comme ça. Mais présentement, vous en êtes où? Est-ce que vous êtes à travailler les textes avec lui? Est-ce que vous avez déjà commencé à répéter des trucs? Non, alors, de toute façon, les textes, on ne les travaillera jamais avec lui parce que c'est lui qui supervise tout et il aime bien écrire tout seul. Mais je sais qu'il a les idées, il les a dans la tête et qu'il voudra le faire. Donc après, là, il vient de finir un premier film, un premier long-métrage avec Adjani, qui n'a rien à voir avec Kaamelott, qui c'est sur l'amnésie, donc qui va être diffusé cette année, non, en France. Et après, je sais qu'il veut enchaîner avec Kaamelott. Donc, En route, mais on avait déjà entendu parler, effectivement, qu'il était en train de faire un projet plus dramatique, justement, avec Isabelle Adjani. Donc, les fans peuvent encore, en tout cas, on va espérer qu'ils sont encore un peu patients par rapport à ça. Donc, que dire d'autre, Franck Bétillot? J'espère que vous allez vous plaire pour les quelques jours que vous êtes au Québec. Là, présentement, l'entrevue se passe le vendredi soir à Janimé, donc le premier soir. Puis là, jusqu'à présent, vous avez reçu même de l'alcool provenant de fans qui sont venus vous voir tout à l'heure, ce soir, pour une séance d'autographe. Donc, est-ce que vous avez un peu regardé des activités que vous aimeriez peut-être aller voir pendant le festival pour en profiter, parce que vous n'êtes pas juste là pour être invité, mais aussi pour profiter un peu du festival? Bah, en fait, je me suis dit que dès que j'avais un moment, j'irais me balader en fait, dans les ateliers, et puis au feeling, je m'incrusterais. Voilà. Excellent. Bon, je vous remercie beaucoup, M. Pitiot, de nous avoir accordé cette entrevue-là. Comme je l'ai dit, c'est un honneur pour moi parce que je vous aime beaucoup, j'adore votre travail et je peux affirmer que Kaamelott est une émission que j'écoute, une des rares que je peux écouter sans cesse, sans vraiment m'enlacer. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission. Ben, moi aussi, parce qu'en fait, je vous trouve très chaleureux et je trouve les Québécois très chaleureux. Donc, j'ai été accueilli, très bien accueilli, donc je suis ravi. Ça fait plaisir, M. Pétillot. En souhaitant une bonne fin de soirée aux auditeurs de Puissance Maximale, c'était Michael Michaud pour vous à Janimé 2012. Fly away, fly away. 体中に広がるパノラマ。かっぽけられた地球が起こって、火山を爆発させる。 Vous êtes à l'écoute de Puissance Maximale avec Franck Pithiot, invité d'honneur de GANIME 2012. Alors, mesdames et messieurs, c'est Puissance Maximale qui se poursuit. On est, en tout cas, maintenant, pendant que je fais l'entrevue, on est à la fin de GANIME 2012. Et j'ai nul autre avec moi, M. Luc Biron, président de la SAJ. Je me rappelle jamais. SAJG. Merci, Luc. Société d'animation japonaise de Gatineau. Yes, et principal organisateur de GANIME. Donc, Luc. Ouais, moi, j'appelle pas ça organisateur, j'appelle ça. Inconscient. Ouais, habituellement, les gens qui se lancent dans l'organisation de conventions sont assez inconscients. Mais là, c'est l'heure des bilans. En tout cas, un bilan rapide, parce que là, c'est pas encore terminé, les gens sont encore là, mais c'est la fin dans quelques heures. Qu'est-ce que tu penses de ta nouvelle édition? C'est ta quatrième cette année? C'est notre quatrième. Sérieusement, le niveau logistique a eu beaucoup de points forts. On a eu la meilleure programmation, sérieusement. On a vraiment monté de la programmation d'un cran. Malheureusement, bon, on a eu des petits problèmes techniques, des petits ratés sur les activités, mais ça, c'est pas grave, ça arrive. Pour le reste, je vais dire que ça a relativement bien roulé. Nos vendeurs sont très heureux. Nous sommes très heureux de la hausse de la participation. Franck Pithiot, notre invité qui perd le Perceval, qui a été génial cette année, il participe à peu près à tout ce qui se passe. D'ailleurs, il s'est même improvisé des activités, donc un duel avec moi à DDR. Ce qui m'a valu une boucle sur la tête durant son entrevue de Kaamelott. Mais en plus, on a le streaming live. Donc, si vous êtes sûr, si vous n'êtes même pas là, vous avez la chance de pouvoir voir ce qui se passe en direct. Puis après, vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Et bien entendu, on a aussi Pinku Project qui a été là, qui était très populaire. Le petit groupe de chanteuses qui chantent en japonais, asiatique, en Lolita. Puis bon, j'en passe, mais ça a été une bonne édition à date. On a eu des nouveautés. Ben, on a vu ben, Franck Pithiot, j'ai fait une entrevue avec lui. Je vous confirme, mesdames et messieurs, qu'il est charmant, il est gentil. C'est un homme très généreux, avec tous ses fans qui étaient là présents. On a vu une nouveauté aussi cette année, la lutte le vendredi soir. Puis je me suis présenté, c'était un méchant bon spectacle. Ironiquement, je sais pas ce que ça donnait. J'ai entendu des bons échos positifs, mais j'ai pas pu le voir. Donc c'est un merveilleuse édition au festival. Ben, on a eu cette nouveauté-là, une belle salle marchande. On est rendu à combien de visiteurs maintenant à GANIME pour l'édition 2012? En ce moment, croyez-le ou non, on est rendu à en haut de 1500. On vient de frapper le 1500. Donc, on augmente environ 300 visiteurs comparé à l'année passée? Oui. Fait qu'on a une bonne croissance pour GANIME. Non, pas 300, 200, un petit peu moins de 250. Ah, OK. Mais quand même, c'est une bonne augmentation. Là, on a eu la mascarade, on a eu plein de bonnes, de super activités. Moi, j'ai fait le tour, j'ai eu des bonnes entrevues, principalement avec les organisateurs de ta convention, avec ceux qui se préoccupaient entre autres de la sécurité, de la mascarade. On a fait le tour. Est-ce que tu as déjà des projets pour l'année prochaine? Est-ce que tu penses déjà à l'année prochaine? Ben oui. En fait, j'ai déjà de boucler certains invités. Là, maintenant, vous voulez les avoir en priorité, n'est-ce pas? Ben là, moi, c'est sûr que si tu peux me donner une primeur, Luc, je vais la prendre. Alors, attention, la primeur, est-ce que tu es là à la cérémonie de fermeture? Malheureusement, je pourrais pas être là. C'est pour ça que j'ai essayé de te prendre avant que je parte, mais... Est-ce que je te le dis? Est-ce que je te le dis pas? Pense aux auditeurs de Puissance Maximale, Luc. Ouais, ils ont été fidèles. Ils sont toujours fidèles. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont venus à GANIME? Ben, certainement. Il y en a plein qui sont venus, dont moi. On se déplace pour venir te voir, Luc. Ouais, donne-nous des primeurs. Ah, d'accord, je vais donner une priorité à des primeurs parce que je suis quand même un gars sympathique par moment. Juste par moment. Donc, pour commencer, on va avoir l'année prochaine, on change notre ligne de costumiers, encore une fois. Donc, on va avoir Lindsay, qui est connu sous le nom de Dark Boys, qui est Dance Boys, qui est une personne qui fait des costumes. Des mascottes. Il est très connu comme costumière. On a Megan Leduc, qui est une Canadienne. T'es-tu excusé, là? Excusez-moi. Ça arrive, malheureusement. On a une Québécoise, anglo-québécoise, qui est Megan Leduc, qui est une costumière internationale, encore une fois. On va avoir, bien entendu, Mélissa Langlois, qui est alias Jus de Pomme. Et bien entendu, on a Sakura CC aussi, qui est Geneviève Lahaye, qui sont aussi des cosplayers québécois francophones de l'extérieur, international. Et bien entendu, on va avoir Jean-François Bibeau et l'Académie des chasseurs de primes. Donc, comme artiste. plein de, on a encore des super bons invités cosplay pour les amateurs. Les gens vont en avoir encore pour leur argent l'année prochaine. Écoute, Luc, moi, je peux te dire, au nom de Puissance Maximale, on te remercie de nous avoir invités encore cette année pour faire des super entrevues, pour de vivre avec vous la convention. Puis évidemment, toute l'équipe de Puissance Maximale souhaite longue vie à Genimé et on te remercie encore. Il n'y a pas de problème. Passez une bonne journée. Alors, on te revoit l'année prochaine? Bien, certainement. Fidèle au poste. Oui. Et oui, c'est déjà la fin de cette émission spéciale de Puissance Maximale qui a été tournée à Genimé 2012, donc à Gatineau, lors de ce festival sur l'anime japonais et le manga qui ont eu lieu les 27, 28 et 29 janvier dernier. Je voudrais remercier au nom de toute l'équipe de Puissance Maximale, M. Luc Biron et toute son équipe d'organisation qui nous accueille. C'est la deuxième année qui nous accueille à bras ouverts pour nous permettre de voir l'envers du décor, pouvoir rencontrer des acteurs, des organisateurs de ces conventions-là, mais aussi leurs invités. Remercier évidemment le Seigneur Perceval en personne, M. Franck Pitillo, qui était très généreux avec nous, mais aussi avec tous les fans qui se sont présentés au festival. J'ai eu la chance de lui parler très souvent, M. Pitillo, et je peux vous dire que c'est vraiment un homme extraordinaire, très gentil, et effectivement aussi très drôle, beaucoup comme son personnage de Perceval. Donc, merci à vous, M. Pitillo. Puissance Maximale, c'est une émission de radio que vous pouvez écouter tous les jeudis à 18h sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. C'est votre émission d'intérêt ludique. Il est possible de nous rejoindre par notre site internet au www.puissancemaximale.com ainsi que sur notre page Facebook. Sur le site internet, vous pourrez retrouver toutes nos émissions, les chroniques aussi que nous avons fait, et vous pourrez retrouver des entrevues exclusives sur le site internet que vous n'avez pas entendu lors de l'émission. Donc, je vous remercie beaucoup à tous d'avoir écouté notre émission et on vous dit passez une bonne semaine de jeu. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D! Warriors who terrify. It's D&D! Virgins till the day we One, two, three, four, down! Yeah.